El concierto de la semana. El concierto. El concierto, el concierto de la semana. Hoy con ustedes Charles Aznavour. Il est sans venir, il est sans tout cela, et qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir là. Charles Aznavour es un cantante, compositor y actor francés. Se trata de uno de los cantantes franceses más populares y de carrera más extensa, y el más conocido internacionalmente. Ha vendido más de 100 millones de discos, y es conocido por críticos y fans con el apodo de Charles Aznavour. Aznavour nació en París y es hijo de emigrantes armenios, y fueron precisamente sus padres quienes a una edad muy temprana lo introdujeron en el mundo del teatro. Su carrera como actor comenzó a los 9 años, y su primer éxito fue ser reconocido por la cantante Edith Piaf, que tras escucharlo, lo llevó a una gira por Francia y Estados Unidos. Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. I teased at life as if it were. Descrito con frecuencia como el Frank Sinatra de Francia, casi todo el repertorio de Aznavour tiene que ver con el amor. Ha escrito más de 1000 canciones, así como varios musicales. Ha grabado cientos de temas y ha aparecido en 60 películas. Aznavour canta en francés, inglés, italiano, español, alemán y ruso, lo que le ha permitido cantar en grandes escenarios de todo el mundo. En los años 70, Aznavour alcanzó un gran éxito en el Reino Unido con la canción She, llegando al número 1 en las listas. Paris is at her best in May. I get a happy shiver strolling beside the river. The winter's worries melt away hearing excited children play. Gran amigo de Quebec, ha ayudado a la cantante y compositora originaria de esa ciudad, Linda LeMay, a desarrollar su carrera en Francia. Desde el terremoto en Armenia en 1988, Aznavour ha ayudado al país con muestras de caridad. Una plaza lleva su nombre en la ciudad de Yerevan y es miembro de una fundación que ha dado millones de dólares en ayuda humanitaria y de infraestructuras para Armenia desde 1992. Señoras y señores, Charles Aznavour, un ilustre hijo de la tierra francesa, nos encanta hoy con su música y su estilo romántico, a través de Aler Satelital. Tu me renies, moi je t'appelle. Tu me renvoies, je te supplie. Je me raccroche à toi. Je me raccroche à toi. Tu parles peu, je te harcèle. Et figuré de jalousie, je me raccroche à toi, je me raccroche à toi. Tu n'es plus tout à fait la même, plus tu m'échappes et plus je t'aime. J'ai besoin. Mes rêves, j'ai peur de te perdre et j'en crève. Et me suicide en toi. de déchirements en querelle, de peur du jour en froid du nid. Je me raccroche à toi. Notre bonheur est dans l'impasse, et pour venir à son secours, je me raccroche à toi. Je me raccroche à toi. Dans le malheur, on se surpasse, espérant te garder toujours. Je me raccroche à toi. Je me raccroche à toi. De ma vie en maladresse, j'ai tes regrets, j'ai tes faiblesses. Je deviens agonie si mon amour ne peut survivre. Je n'ai plus de raison de vivre. À quoi me sert ma vie? Et tant pis si je perds la face, je n'ai plus d'orgueil en amour. Je me raccroche à toi. Je me raccroche à toi. Satelital. J'en connais qui prétendent à l'année sabbatique, seul et loin de la foule, au pôle ou au Tibet. Aux mains sur le front, des confessions publiques, jouant les mâles dans leur peau, allergiques au succès. Ils veulent oublier les chasseurs d'autographes, échapper aux médias, sauver leur vie privée. Mais suivi comme une ombre par un photographe, dans leur quête du moi et leur identité. Très tôt ils parlent de retraite, on les prendrait presque au sérieux. Mais quant à moi, la chose est nette, croyez-moi, je ne ferai pas mes adieux. N'ayant pas pris la vie avec le vent en poupe, la voix m'étant barrée, il m'a fallu l'ouvrir. Je me garderai donc de cracher dans la soupe, j'ai eu bien trop de mal à la faire bouillir. Moi, les fausses sorties me pompent l'oxygène, les faux intellectuels doucement rigolés. On compte sur la main ceux qui ont quitté la scène, les autres, le public, leur a repris les clés. Sincèrement, mieux vaut en rire. Regardez-moi droit dans les yeux. Quoi que l'on puisse écrire ou dire, quant à moi, je ne ferai pas mes adieux. Ces petites natures ermites du dimanche, champions du je sais tout qui s'écoutent parler, dès que le chiffre de leur pente de disque blanche, sans un mea culpa, fonce dans la mêlée. le pied au cul, je perds et je pars. J'en peux plus, des coucous, c'est un mois. Avec un nouveau look, un nouveau son. Et merde, tu restes ou tu t'en vas. Mais t'en fais pas un plat. Quand il faudra tourner la page, pour le moment, y a pas le feu. Je préviendrai mon entourage. Toutefois, je ne ferai pas mes adieux. À moins que je change avec l'âge, je ne ferai pas mes adieux. Toi contre moi, il est bête à pleurer, cet orgueil des parents déchirés. Toi contre moi, c'est un combat. On se menace, on se bat, aidé par nos avocats. Toi contre moi, contre le monde entier, sans répit, sans merci, sans pitié. Quand l'amour meurt, ça devient chacun pour soi. Mais les enfants dans tout ça. Quel est le tort, quel est le crime? Pourquoi serait-il victime de notre échec à nous deux? Pourquoi eux, quand il fait pour souffrir de nos problèmes, eux qui sont ceux que quand même nous avons fait de mieux? Toi contre moi, quelle raison donner au pourquoi des enfants étonnés? Toi, tu voudrais me les ôter, je devrais les emprunter, les prendre et les rapporter. Toi contre moi, à ce jeu sans issue, il ne sort ni vainqueur, ni vaincu. Au bout du compte, il n'y a que les enfants qui, pour finir, sont perdants. Non, on sortit à la sauvette, au dimanche et jour de fête, que peut accorder la loi chaque mois? Tes amis auront beau dire et beau faire, je remuerai ciel et terre, tu ne les auras pas. Toi contre moi, c'est l'enfer, c'est l'horreur. Pourtant hier, c'était le bonheur. Toi contre moi, c'était la vie, ces merveilles, ces folies, dans tes bras et dans ton lit. Toi contre moi, ce passé qui nous lie, il faudrait le garder à tout prix. Se retrouver face à face au tribunal ne nous ferait que du mal. Viens, faisons amende honorable, évitons l'irréparable et le point de non-retour, pour qu'un jour, à pleurant de ce drame impitoyable, il ne reste plus que toi contre moi. J'ai bâti, je l'ai rêvé en vain. Je quitterai ce monde sans laisser de traces. Tes yeux ne souriront sur aucun lendemain. L'aiguille dans ta veine éclatée. Ta peau déchirée, l'aiguille dans ton corps mutilé, crucifié, l'aiguille de nos espoirs trahis, te clouant dans la nuit, sans vie. Mon arbre, mon petit, qui peut dire à l'avance quand le bonheur finit ou le malheur commence. Le drame de la vie sans auteur qui dialogue, qui s'écrit à huis clos, se joue à notre insu. Les plaisirs innocents n'en sont que le prologue. Les paradis promis ont l'enfer pour issue. L'aiguille dans ta main éclatée, ta peau déchirée, l'aiguille dans ton corps mutilé, crucifié, l'aiguille de vos espoirs trahis, te clouant dans la nuit, sans vie. Regardant fleurir tes printemps pleins de grâce, je n'ai pas su tes rires et vanter tes angoisses. Peut-être pas non plus assez dit que je t'aime, ni suffisamment pris d'être avec toi, que tu as dû souffrir en secret de problèmes. À présent c'est mon tour, perdu dans mes pourquoi. L'aiguille dans ta main éclatée, ta peau déchirée, vos espoirs trahis te clouant dans la vie sans vie. Satellites, les lueurs au fond de tes yeux, un regard troublé et malicieux qui veut me suggérer d'elle. Embrasse-moi, un corps lascif et alangui, des gestes faits au ralenti, qui prennent la folante pose. Embrasse-moi, moi j'ai la gorge contractée. Je reste comme hypnotisé, tandis qu'en moi monte une fièvre. Embrasse-moi, quand mon cœur sur écran géant, débridement fait un gros plan, sur ta langue, au bord de tes lèvres. Partons dans la nuit de nos amours. Embrasse-moi jusqu'à la déraison, quand nos lèvres n'auront plus de contours. J'ai soif de toi, de tout, du confort de ta bouche, du désordre farouche de ton corps tendre et fou. Embrasse-moi, je veux parler de tes baisers, rôler l'éternité entre tes bras. Embrasse-moi dans un malaise merveilleux. Tu me fais partager des jeux où tu te révèles génial. Embrasse-moi entre deux battements de cœur. J'entends ta voix qui de bonheur l'amour aidant devient ta râle. Pudique dans ta nudité, de tes fantasmes libérés, tu n'es plus tout à fait la même. Embrasse-moi, quand pour moi dans un tourbillon de feu, de chair et de passion, tu réinventes et je t'aime. Embrasse-moi comme un mort dans un fruit et partons dans la nuit de nos amours. Embrasse-moi jusqu'à la déraison quand nos lèvres n'auront de contours. J'ai soif de toi, de tout, du confort de ta bouche, du désordre farouche de ton corps tendre et fou. Embrasse-moi, je veux pas t'éviter, trouver l'éternité entre tes bras.

je n'ai rien oublié. L'heure court, déjà le café va fermer. Viens, oui, viens, je te raccompagne à travers les rues mortes, comme autant des baisers qu'on volait sous ta porte. Non. Non, je n'ai rien oublié. Chaque saison était notre saison d'aimer. Et nous ne redoutions ni l'hiver, ni l'automne. C'est toujours le printemps quand nos 20 ans résonnent. Non. Non, non, je n'ai rien oublié. Rien oublié. Cela m'a fait du bien de sentir ta présence. Je me sens différent, comme un peu plus léger. On a souvent besoin d'un bain d'adolescence. C'est tout de revenir aux sources du passé. Je voudrais, si tu veux, sans vouloir te forcer, te revoir à nouveau, enfin, si c'est possible, si tu en as envie, si tu es disponible, si tu n'as rien oublié, comme moi, moi qui n'ai rien oublié. Allez, ça fait je bois pour oublier mes années d'infortune et cette vie commune avec toi, mais si seule. Je bois pour me donner l'illusion que j'existe, puisque trop égoïste pour me péter la gueule. Et je lève mon verre à nos cœurs en faillite, nos illusions détruites, à ma fuite en avant. Et je trinque à l'enfer qui dans mon foie s'impose en bouquet de cirrhose que j'arrose en buvant. Je bois au jour le jour à tes fautes, à mes fautes, autant que côte à côte il nous faut vivre encore. Je bois à nos amours ambigus, diaboliques, souvent tragi-comiques, nos silences de mort, à notre union ratée, mesquine et pitoyable, à ton corps insatiable, roulant de lit en lit, à ce serment prêté, la main sur l'évangile, à ton ventre stérile qui n'eut jamais de fruit. Je bois pour échapper à ma vie insipide, je bois jusqu'au suicide, le dégoût, la torpeur. Je bois pour m'enivrer et vomir mes principes, libérant de mes tripes ce que j'ai sur le cœur. Au bonheur abordé, à moi et mes complexes, à toi tout feu, tout sexe, à tes nombreux amants, à ma peau boursouflée, striée de coupes roses, et à la ménopause qui te guette au tournant. Je bois aux lois bénies de la vie conjugale, qui de peur du scandale pousse à faire semblant. Je bois jusqu'à la vie, aux étreintes sommaires, aux putes exemplaires, aux croix accouplements, au meilleur de la vie qui par l'embon nous quitte, à cette cellulite dont ton corps se rempart, aux devoirs accomplis comme deux automates aux ennuis de prostate que j'aurai tôt ou tard. Je bois en crever et peu à peu j'en crève, comme en crever mes rêves quand l'amour m'a trahi. Je bois à m'en damner le foie comme une éponge, et le mal qui me ronge, et le mal de l'oubli. Je m'enivre surtout pour mieux noyer ma peine et conjurer la haine dont nous sommes à la proie. Et je bois comme un trou qui est dans ton coin semblable à celui que le diable te fait creuser pour moi. Je bois, mon Dieu, je bois, un peu par habitude, beaucoup de solitude, et pour t'oublier toi, et pour t'emmerder toi. Je bois, je courage. Ave Maria, Ave Maria, ce qui des enfants, toi qui donnas le tien pour laver les humains de leur souillure, Marie la pure. Maria.

parce que t'as les yeux bleus, que tes cheveux s'amusent à défier le soleil par leur éclat de feu, parce que tu as 20 ans, que tu croques à la vie comme un fruit vermeil que l'on cueille en riant. Tu te crois tout permis et n'en fais qu'à ta tête, désolé un instant, prêt à recommencer. Tu joues avec mon cœur comme un enfant gâté qui réclame un joujou pour le réduire en miettes. Parce que j'ai trop d'amour, tu viens voler mes nuits du fond de mon sommeil et fais pleurer mes jours. Mais prends garde, chérie, je ne réponds rien si ma raison s'égare et si je perds patience. Je peux d'un trait rayer nos cœurs d'une existence dont tu es le seul but, elle l'unique lien. Parce que je n'ai que toi, mon cœur est mon seul maître, et maître de mon cœur, l'amour nous fait la loi. Parce que tu vis en moi, et que rien ne remplace les instants de bonheur que je prends dans tes bras, je ne me soucierai ni de Dieu ni des hommes. Je suis prêt à mourir si tu mourrais un jour, car la mort n'est qu'un jeu comparé à l'amour, et la vie n'est plus rien sans l'amour qu'elle nous donne. Parce que je suis au seuil d'un amour éternel, je voudrais que mon cœur n'emporta pas le deuil. Parce que my love, véritable, et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue Shakespeare, my Daisy, désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, formidable. You are the one for me, formidable. But how can you see me? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue. Ta bouche sera. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas. Viens-t'en dans mes bras. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis le reste, on s'en fout. You are the one for me, formidable. Je me

satellites. Ils sont venus, ils sont tous là, et qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir là, maman. Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie, il y a même Giorgio le fils maudit, avec des présents plein les bras. Tous les enfants jouent en silence autour du lit sur le carreau, mais leurs jeux n'ont pas d'importance, c'est un peu leur dernier cadeau. À la maman, à la maman. On la réchauffe de baisers, on lui remonte ses oreillers, elle va mourir là. Sainte Marie pleine de grâce, dont la statue est sur la place, bien sûr vous lui tendez les bras en lui chantant Ave Maria. Ave Maria. Il y a tant d'amour, de souvenirs autour de toi. Toi là, maman, il y a tant de larmes et de sourires à travers toi, toi là, maman. Et tous les hommes ont eu si chaud sur les chemins de grand soleil, elle va mourir là, maman. Boivent frais le vin nouveau, le bon vin de la bonne treille, tandis que Santa se pêle-mêle sur les bancs, foulards et chapeaux. C'est drôle, on ne se sent pas triste, près du grand lit de l'affection. Il y a même un oncle guitariste qui joue en faisant attention à la maman, à la maman. Et les femmes se souvenant des chansons tristes d'éveillées, elle va mourir, maman. Tout doucement les yeux fermés, chante comme on verse un enfant après une bonne journée pour qu'il sourie en s'endormant. Il y a tant d'amour, tant de souvenirs tout autour de toi, toi là, maman. Il y a tant de larmes et de sourires à travers toi, toi là, maman. Que jamais, jamais, jamais tu ne nous quittera. El concierto de la semana. El concierto. El concierto de la semana. De la semana.